laisses tes traces dans le sable foulé. Tu cours après les vagues effacées. Tes yeux se fixent vers la lumière dorée. La mer te suit, envahit ta peau. In the water blue, I dream. In the water blue, I dream. In the water blue, I dream. In the water blue, I dream. Tu cherches cette sirène à la pauvreté, cette paillette colorée envahisse tes pensées. Et tu te souviens de ces histoires d'antan, les jambes embrumées fuyant dans le temps. In the water blue I dream. In the water blue I dream. In the water blue, I dream. In the water blue, I dream. Et toi, petit, tu rêves encore au sentier perdu, au trésor caché, au monstre marin, au capitaine vaillant. Continue et surtout, attrape la lune. Attrape la lune. Attrape la lune. Attrape la lune. In the water blue I dream. In the water blue I dream. In the water blue I dream. In the water blue I dream.